Chapitre 3. Robert de Thorigny, sa piété et ses talents. Faveur dont l'entoure Henri II. Cruauté de ce prince, assassinat de saint Thomas Becket et pénitence publique d'Henri. Jourdain, le calomnié, incendie du mont Saint-Michel par les Bretons, l'aumône de Philippe Auguste et le mont Saint-Michel redevenu français la veille de Bouvines, achèvement de la merveille. Description de la merveille, les Montgomery, la salle des chevaliers, le cloître. 1. Robert de Thorigny, selon l'orthographe commune, ou de Thorigny, T.O., Robertus a Thorigné I.O., comme il se désigne lui-même dans ses écrits, était né à Thorigny-sur-Vire en l'année 1106, ainsi qu'il appert d'une inscription funéraire découverte par E. Corroyer. D'après Don Huyne, son père se nommait Théduin, sa mère Agnès. Son règne en ce domaine de Saint-Michel, entouré par le péril de mer, espace étroit mais plein de gloire, nous apparaît comme un petit siècle d'Auguste. Il fut personnellement un historien éloquent et savant, un écrivain fécond, un abbé très pieux et très puissant, un administrateur de premier ordre, un négociateur habile, un personnage public de haute valeur dont le rôle politique eut sa réelle importance dans les événements qui remplirent la seconde moitié du XIIe siècle. Ce fut en 1128 qu'il revêtit l'habit de Saint-Benoît dans cette noble abbaye du Bec qui retentissait encore des leçons d'Anselme et de Lanfranc. 11 ans plus tard, Henri, archidiacre de Huntingdon, le très célèbre historiographe anglais, admirait le zèle que Robert dépensait à réunir des livres religieux et profanes. Dès cette époque, selon l'apparence, notre jeune moine, commençant sa carrière d'historien, reprenait les travaux de Guillaume de Jumièges. Il occupait à l'abbaye du Bec la dignité de prieur claustral, quand les moines du Mont Saint-Michel, voyant jour à guérir enfin ce mal d'anarchie dont nous avons raconté les phases désolantes, s'assemblèrent pour élire un supérieur légitime. Robert fut choisi comme abbé par le convent, à l'unanimité des voix, le 27 mai 1154. Il n'est pas prouvé que le pouvoir royal ait été pour quelque chose dans la réunion de ce libre convent. Mais il paraît certain que l'impératrice Mathilde et le roi duc Henri II l'approuvèrent, car nous voyons le 22 juillet suivant Robert de Thorigny recevoir sans opposition dans l'église de Saint-Philbert sur Risle l'investiture des évêques Herbert d'Avranches et Gérard de Séhaize. Il prit aussitôt le chemin du mont Saint-Michel et s'attaqua à son œuvre, dont nos lecteurs peuvent mesurer les difficultés puisqu'il arrivait là après les incendies, les désordres et les dévastations de toutes sortes, au milieu d'un véritable amas de ruines. Lui-même nous a rendu compte des 5 premières années de son administration dans les Acta Regiminis Sui. Nous avons déjà vu d'autres abbés aux prises avec ce dur travail de restauration, car la maison de Saint-Michel a un ennemi infatigable et connu qui, sempiternellement, en sape la base. Le nouveau supérieur récupéra, il consolida, il acquit. L'archange eut en lui un intendant incomparable. Disons néanmoins tout de suite que l'intérêt matériel du monastère ne prit que la moindre part de son effort. Ce qu'il restaura surtout, ce fut la sainteté. Il avait un grand empire sur les âmes, et sans opérer aucune réforme nominale, il sut relever au plus haut le niveau des pratiques pieuses. En 1156, quand il visita Jersey et Guernesey, la noblesse des îles se pressa autour de sa parole, et un grand nombre de gentilshommes voulurent embrasser la vie monastique pour se rapprocher de lui, pour lui ressembler. La liste de ses conversions est longue dans les Acta Regiminis. C'était un véritable prestige qui s'attachait à sa vie si pure, à ses vertus, à la ferveur de sa foi, au charme de son éloquence, et le nombre de ses religieux, en quelque sorte malgré lui, monta de 40 à 60. L'abbaye possédait en Angleterre de nombreux prieurés, dont les ressources avaient été détruites pendant les guerres de famille, et Robert passa le détroit comme un souverain qui visite ses provinces après avoir rendu la paix à sa capitale. Sa chronique parle peu des efforts qu'il dépensa. on dirait que sa présence seule suffit à tout remettre en bon point. Ce qu'il ne passe pas sous silence, c'est la justice à lui rendue par Henri Plantagenet, à qui il s'était plaint du fiscal de Southampton. Les temps avaient bien changé, le même Henri II qui avait ravagé autrefois la basilique répondit par ce rescrit. Henri, roi des Anglais, duc des Normands et des Aquitains, comte des Angevins, aux justiciers, vicomtes, prévôts et tous ses ministres d'Angleterre, de Normandie et des ports de mer, salut. J'ordonne que toutes les choses des moines du Mont Saint-Michel, lesquelles les hommes de l'abbaye pourront certifier leur être propre, soient libres d'impôts, de droits de passage et de pontage, de toute coutume par toute matière d'Angleterre et de Normandie et dans les ports de mer, et je défends que personne les moleste à l'avenir. La vie entière de Robert de Torigny prouve qu'il n'avait point d'ambition personnelle, mais il était ambitieux pour la maison de Saint-Michel. En faveur de son abbaye bien-aimée, il usait volontiers du don que Dieu lui avait conféré de plaire à tous, même aux grands de ce monde. Il saisit l'occasion du voyage qu'Henri II, marchant contre la Bretagne, fit à Avranches en 1158 pour lui porter l'hommage de sa gratitude. Le roi d'Angleterre, duc de Normandie, colosse de puissance, allait avec sa grosse armée écraser en passant le pauvre petit duc Conan IV de Bretagne pour effrayer d'autant le roi de France, Louis VII, et paraître à ses yeux comme un foudre de guerre dans leur entrevue prochaine. L'évêque d'Avranches, Herbert, fut chargé par Conan IV de conjurer la tempête et y parvint dans une certaine mesure. Robert ne dit point qu'il fut mêlé lui-même à cette négociation, mais la suite des événements le fait grandement supposer. Il obtint du moins, et ce ne dut point être chose aisée, que le Plantagenet viendrait s'humilier dans le sanctuaire de l'archange, dépouillé et outragé par lui. Il, Henri II, entendit la messe à l'autel majeur et mangea dans le réfectoire des moines avec ses barons. La glace était rompue. Après le repas, Henri II passa dans le nouveau logis, dit la chambre de l'abbé, et le charme aidant de cette éloquente et haute charité, le Plantagenet, devenu tout à coup ami, plaça de son propre mouvement, sous la dépendance des moines, les églises royales du château de Pontorson, dont il venait d'ordonner la reconstruction. C'était là une faveur si imprévue et si grande que l'évêque d'Avranches protesta et que le roi-duc dut convoquer à Rouen, 1160, une assemblée solennelle pour y faire reconnaître les droits nouveaux de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Henri II continua sa route pour prendre possession de la ville de Nantes, concédée par l'arrangement d'Avranches, puis entrant dans le Poitou, il prit en 3 jours la forte ville de Thouars, puis encore se trouvant suffisamment couronné de triomphes faciles, il marcha en grande pompe à la rencontre de Louis VII, son suzerain. Dès le mois d'août précédent, il y avait eu, entre les deux rois, près de Gisors, une entrevue où l'on avait parlé d'un mariage entre le fils de Henri II et la fille de Louis VII, Marguerite de France. Les deux futurs beaux-pères devaient cette fois s'accorder tout à fait et placer l'union projetée sous la protection de l'archange, esprit tutélaire de la commune patrie. Car ces princes normands, anglais dans l'âme, se disaient encore français chaque fois que leur intérêt le voulait. Le jour de Saint-Clément, qui était un dimanche, les deux souverains entrèrent ensemble au monastère de Saint-Michel, où ils reçurent un magnifique accueil. Parmi les personnages illustres à divers degrés qui avaient accompagné les rois de France et d'Angleterre dans ce pèlerinage, nous avons à citer 3 prêtres, dont l'histoire s'est occupée beaucoup et que nous retrouverons. Le premier était Roland Rénus, chancelier de l'Église romaine qui, dès l'année suivante, prit la tiare sous le nom d'Alexandre III. Le second était le cardinal Octavian, dont Frédéric Barberousse fit l'antipape Victor IV. Le troisième et le plus célèbre était le grand chancelier de Henri II et le précepteur de son fils, Thomas Becket, ou A. Becket, selon la forme anglaise, saint et martyr. Nous aurons à dire un mot des luttes de ce grand prélat contre Henri II, ainsi que du sacrilège assassinat qui mit à son front l'auréole. Il est peu parlé de Louis VII dans les manuscrits montois. C'était pourtant un vaillant chrétien et qui eut Suger pour ministre, mais la France était sous le boisseau en attendant son heure. Il y est au contraire amplement question du Plantagenet, qui fut si frappé des mérites de l'abbé pendant son court séjour au Mont-Saint-Michel, que, peu de temps après, la reine Aliénor, sa femme, ayant mis au monde une fille à Domfront, Henri le choisit pour parrain. Robert de Torigny fut touché plus profondément peut-être qu'il ne l'eût fallu par cette marque de la faveur royale, car 20 ans plus tard, enregistrant dans sa chronique le mariage de la jeune princesse Aliénor, comme sa mère, il rappelle avec complaisance les liens de parenté spirituelle qui le rattachent à sa très chère dame et filleule. Chaque homme a sa mission, il fallait que Robert, pour être propre à l'accomplissement de la sienne, joignit à sa sincère piété cet esprit liant, presque mondain, et cette bienveillance polie qui le firent aimer des puissants de la terre. D'ailleurs, il lui était permis d'être fier de celle qu'il avait tenue sur les fonds du baptême. Aliénor fut la mère de Blanche de Castille et par conséquent l'aïeule de notre Saint-Louis. La confiance d'Henri II devait se manifester d'une façon plus frappante encore. Le lieutenant de roi du château reconstruit de Pontorson, ayant forfait au devoir de sa charge, Henri, qui avait déjà donné 1158 le gouvernement des églises de ce lieu à l'abbé de Saint-Michel, y joignit le gouvernement tout militaire de la forteresse. Robert fut convoqué au concile de Tours, réuni pour combattre les schismes qui divisaient l'église. 1163. On y déclara anathème l'antipape Victor IV, Octavian et ses complices. À propos du souverain pontife Alexandre III, alors régnant, la chronique de Robert de Torigny remarque que 3 papes seulement avaient occupé si longtemps la chaire romaine, 22 ans. De nos jours, notre très saint père Pie IX a dépassé les années de Pierre. Cependant, Henri Plantagenet avait repris ses projets de conquête sur le malheureux patrimoine de Conan. Jamais guerre plus inégale n'ajouta page moins honorable aux annales d'un grand peuple. Contre ce vaillant petit pays de Bretagne, malade de ses querelles intestines, le Plantagenet a meuté un monde. Il tenait de son père l'Anjou, le Maine et la Touraine, de sa mère Mathilde, l'Angleterre et la Normandie, de sa femme Aliénor, l'Aquitaine, la Gascogne et le Poitou. Conan eut la sagesse de demander la paix. Les conditions de cette paix désastreuse furent que Constance, héritière de Bretagne, épouserait Geoffroy, 3e fils d'Henri, encore au berceau, et qu'elle aurait pour dot le duché tout entier, Conan ne se réservant que le comté de Guingamp. Ce fut à Rennes que les barons bretons furent obligés d'accepter cette convention inique, et la chronique de Robert dit, par cette ville qui est la tête de la Bretagne, il, Henri, prit livraison de tout le duché. Henri aimait les ovations, et dans tout pays vaincu, il se trouve bien quelques misérables pour tresser des couronnes aux vainqueurs. Henri triompha à Dole, à Combourg, etc., et revint pour la 3e fois au Mont-Saint-Michel, dont le pieux abbé, prévenu par son affection reconnaissante, ne le jugeait peut-être pas avec impartialité. On s'étonne parfois de ne pas trouver dans la chronique de Robert de Torigny quelques paroles sévères au sujet de la longue série de crimes qui fut la vie d'Henri Plantagenet. L'odieux assassinat qui eut, peu de temps après, le grand archevêque de Canterbury pour victime, était bien loin d'être son coup d'essai. Et déjà dans le pays de Galles, où il voulait réduire par la terreur les descendants d'Uther Pendragon, il avait fait arracher les yeux à tous les enfants mâles et couper aux jeunes filles le nez et les oreilles. Puisque je me suis déterminé à prononcer des paroles qui semblent jeter une ombre sur cette prélature si brillante et si belle, mon devoir est au moins de placer la défense en regard de l'accusation. Le Mont-Saint-Michel sortait à peine de cette mauvaise période où il avait failli périr esclave. L'homme qui était ici-bas le représentant de l'archange et le gardien de la maison sainte avait de redoutables ménagements à garder. Outre la loi d'obéissance au prince de la terre, dont un religieux ne se doit jamais départir à moins d'un conflit entre l'autorité temporelle et l'autorité supérieure de l'Église, outre la reconnaissance sympathique et personnelle que Robert devait au roi-duc, il y avait ce grand intérêt de la maison angélique qu'il ne fallait point mettre en danger. Ceux qui portent sur eux les choses sacrées ne doivent pas subir à l'étourdi les entraînements de la générosité humaine, mais passer leur chemin en silence pour ne point provoquer l'attaque des méchants qu'ils braveraient de bon cœur s'il ne s'agissait que d'eux-mêmes. Nous l'avons dit déjà, et nous ne saurions trop le répéter. Depuis que les fils illégitimes de Roland s'étaient faits anglais par la conquête, Saint-Michel n'était plus chez lui. Par un dessein de Dieu que l'avenir révélera et dont la lumière commence à poindre, puisque nous assistons au grand mouvement catholique qui soulève à cette heure même l'ancienne île des Saints, le sanctuaire de l'archange, prisonnier des Anglo-Normands, n'appartenait plus à la France. Ses possesseurs et ses gardiens, ses maîtres, sont des princes dépaysés et dégradés qui tombent, emportés par une destinée. Satan est là, travaillant son œuvre de mensonge et de mort, qu'il va farder de fausses jeunesses dans une couple de siècles, et appeler pompeusement la Renaissance, comme pour annoncer que l'Europe renaît aux ombres de la terre après avoir lâché la proie du ciel. La grandeur du rôle de Robert est surtout dans sa difficulté. Son œuvre ressemble en petit à celle de l'Église, qui patiente et ménage tant qu'il est possible de ménager et de patienter, parce que la volonté de Jésus est qu'elle vive là où toute autre chose mourrait. En 1169, l'enfant-duc Geoffroy vint à Rennes prendre possession de son domaine, et Henri ne tarda pas à l'y joindre. Il y eut encore des fêtes et des triomphes au milieu d'une population accablée de douleur et toute frémissante de colère. Robert de Thorigny fut du voyage. Avec Aubert, évêque d'Alette, et Étienne, évêque de Rennes, il essaya de faire prévaloir chez Henri des idées de clémence. Il fit beaucoup, il ne fit pas assez. En vieillissant, le caractère du Plantagenet, naturellement cruel, s'aigrissait et devenait impitoyable. Il parcourut une grande partie de la Bretagne pour forcer les seigneurs qui n'avaient pas assisté aux cérémonies de Rennes à prêter entre ses mains le serment de féauté, et répandit partout la terreur en ravageant les héritages de ceux qui hésitaient à courber la tête sous le joug de l'étranger. Nous abrégerons cette page parce que nous voici arrivés au fait historique le plus considérable parmi ceux qui marquèrent le temps de Robert de Thorigny et au plus grand crime d'Henri II, le meurtre de saint Thomas de Canterbury. Nous vîmes un jour ce grand chrétien, jeune encore, lors du premier pèlerinage du Plantagenet avec ceux qui devaient être le pape Alexandre III et l'antipape Victor IV. De cette rencontre, une belle amitié était née entre Robert de Thorigny et Thomas Becket, malgré la différence de leur nature, car autant Robert était conciliant et prudent à cause de sa charge, autant Thomas, à cause de la sienne, était entier et absolu. L'un avait à faire vivre une communauté opprimée, l'autre avait à porter le drapeau même de l'Église souveraine. Aussitôt que Thomas fut assis sur le siège de Canterbury avec le titre de primat d'Angleterre, son amitié pour son roi céda le pas à sa fidélité en Dieu. Henri, ayant voulu mettre son talon sur les libertés de l'Église, comme il foulait tout aux pieds, Thomas Becket l'arrêta au premier pas avec une énergie inflexible. Henri, étonné d'abord, puis furieux, essaya de briser cette résistance. Il se trouva qu'elle était de fer. Henri fit condamner Thomas à la prison par les magistrats valets de son parlement. Thomas se réfugia en France. En 1170, Henri le rappela avec de belles promesses. Thomas appartenait au service de Dieu. Il revint et fit bien, puisqu'il avait le cœur pur et qu'il était préparé au martyr. À peine avait-il repris possession de son siège que de nouveaux empiétements du roi amenèrent une résistance nouvelle de la part du primat, si bien que la querelle se ranima plus violente et qu'un jour Henri II, dans un de ses fauves accès où sa cautèle l'abandonnait, s'écria devant sa cour « Honte et malheur au lâche valet qui me laisse si longtemps exposé à l'insolence d'un prêtre !» Cela valait juste un coup de hache. Quelques jours après, le 29 décembre, dans l'après-midi, quatre chevaliers, Renaud, Guillaume de Tracy, Hugues de Morville et Richard le Breton, s'introduisirent au palais archiépiscopal où ils sommèrent Thomas de lever les suspens prononcés contre les violateurs des lois de l'Église et de reprendre le chemin de l'exil. Thomas refusa l'un et l'autre. « C'est déjà trop d'avoir quitté mon Église une fois, dit-il, je reste ici, et quiconque frappera l'Église sera frappé par les armes que l'Église m'a confiées. » Les quatre gentilshommes voulurent l'entraîner de vive force. On dit qu'ils étaient armés de toutes pièces pour livrer cette lâche et sacrilège bataille. Les clercs du primat le dégagèrent et le firent entrer dans la basilique, où les quatre chevaliers pénétrèrent presque en même temps que lui, criant « Où est Thomas à Becket, traître au roi et au royaume ?»« Me voici, répondit le pontife, qui aurait pu fuir et ne le voulut. Je ne suis point traître au roi, mais prêtre du Seigneur. » On lui dit qu'il allait mourir, il répondit « Je suis prêt, puisse mon sang donner à l'Église paix et liberté. » Aussitôt, les quatre chevaliers se jetèrent sur lui, cherchant à l'entraîner. Il saisit une colonne, et en ce moment, Renaud lui asséna un premier coup sur la tête. Guillaume de Tracy lui emporta deux autres à la même place, et le coup de grâce fut donné par Richard le Breton. Ainsi, le Plantagenet n'eut plus motif d'accuser ses valets de fainéantise. La chrétienté tout entière accueillit par un cri d'horreur la nouvelle de cet effroyable attentat. Henri fut épouvanté. Les historiens le représentent, tremblant au fond de son palais. Ce métier de tigre a de mauvaises heures. Le roi de France écrivit au pape pour lui rappeler qu'il était armé du glaive de pierre et que toute l'Église attendait l'arrêt de sa justice. La justice du Saint-Père ne fut pas lente à venir. Alexandre III envoya deux légats chargés d'instruire cette cause, d'autant plus funeste que le coupable portait sceptre et couronne. Théodevin, cardinal du titre de Saint-Vital, et Albert, cardinal du titre de Saint-Laurent. Dès que le roi-duc apprit leur arrivée sur ses terres, il quitta l'Irlande, où il avait d'abord réfugié son inquiétude, et rentra en Normandie. Il avait de l'effroi, mais non point encore de repentir. Il rompit brusquement une première entrevue à Goron, une autre à Savigny, où il congédia les légats avec insolence, disant « Allez où il vous plaira ». Tout crime contient un germe de schisme, et la grande trahison du huitième Henri couvait dans le mauvais cœur de ce roi. Les évêques de Lisieux, de Poitiers, de Salisbury, et sans doute l'abbé du Mont-Saint-Michel, s'interposèrent alors. Robert ne parle point de lui-même en cette occasion, mais il avait le don des négociateurs nés, qui est de s'effacer. Il fut très étroitement mêlé à tous ces événements, conseillant d'un côté la soumission, de l'autre la miséricorde. À la troisième entrevue, qui eut lieu à Avranches, toute la morgue d'Henri tomba. Il parla enfin en chrétien repentant et demanda seulement que l'acte solennel de sa pénitence fut remis au dimanche suivant pour que son fils y pût assister. Ainsi en fut-il, le dimanche 22 mai 1172, sur la place de la cathédrale Saint-André d'Avranches, le vieux roi criminel se présenta pour faire amende honorable, et le peuple vit la juste grandeur de l'Église. Les légats présentèrent le livre des Évangiles à Henri pour qu'il y étendît la main. Il dit ce qui devait être la vérité, tout chrétien le souhaite. Je jure que je n'ai ni ordonné ni voulu le meurtre de l'archevêque, mais j'accomplirai la satisfaction qui me sera imposée par l'Église, parce que mes paroles ont pu donner à croire que ce meurtre serait selon mon plaisir. » Ayant été mené au seuil de la cathédrale, il s'y agenouilla sur une pierre que l'on montre encore, sans néanmoins dépouiller ses vêtements ni être frappé de verge. Cela fait, on lui ouvrit l'accès du temple, l'Église avait ressuscité ce mort. Une autre cérémonie pareille, mais plus solennelle encore, eut lieu 4 mois plus tard, au même lieu, en présence de l'archevêque de Rouen, de tous les évêques et de tous les abbés de la province, entourés d'une foule immense venue de tous les pays. Henri renouvela ses déclarations et ses serments sur les reliques des saints. L'héritier de la couronne d'Angleterre était là, qui se soumit comme lui et comme lui jura. Saint-Michel, du haut de sa maison, à travers les grèves, vit cette dure pénitence qui écrasa un terrible orgueil. Les chroniques du temps souhaitent qu'elle ait été sincère, et l'une d'elles en exprime l'espérance par cette raison que le Plantagenet fut puni dès ce monde par les rébellions de ses sujets et de ses propres enfants. Les peines de cette vie, dit-elle, sont la clémence de Dieu. Nous avons expliqué déjà la réserve excessive de Robert par rapport à ces choses qu'il suivit de si près et où il fut même parti très heureusement active. Monsieur L. Delisle, après avoir remarqué ce silence du pieux abbé qui s'étend à tous les méfaits du roi-duc, l'attribua la respectueuse affection qu'il avait vouée à son souverain et ajoute qu'autrement ce silence serait d'autant plus étonnant qu'il avait particulièrement connu Thomas Becket. Dans son œuvre, Robert n'accorda à saint Thomas qu'un paragraphe de 4 lignes et 4 vers latins pleins de jeux de mots intraduisibles, ce n'est en vérité pas assez. 2. À dater de ce moment, Robert de Thorigny se donna tout entier à sa piété, à son goût pour les lettres et aux soins de son administration très habile. Les biens qu'il rendit, conserva ou donna, sont énumérés dans ce monument paléographique très célèbre, le cartulaire du Mont Saint-Michel, qui est un des plus précieux trésors de la bibliothèque d'Avranches. C'est un volume grand in folio en parchemin de choix. La partie composée sous la direction de Robert est écrite avec un soin extrême. Au commencement du cartulaire et remplissant une page entière, se trouve un dessin au trait rehaussé de dorure, l'apparition de Saint-Michel à Saint-Aubert. À la suite vient le récit de la vision angélique, puis un travail historique sur la Normandie. C'est au folio 13 que commencent les chartes. Ça et là, l'enlumineur a voulu conserver le souvenir des illustres bienfaiteurs de la communauté. C'est ainsi que nous voyons tour à tour les ducs et les duchesses de Normandie, les Richards et les Gonors, dérouler le volumen sur lequel sont inscrites leur générosité à l'autel de l'archange. Jusqu'au XIIIe siècle, on a ajouté des pièces aux documents enregistrés pendant la prélature de Robert de Thorigny. Nous ne plaçons pourtant pas ce chef-d'œuvre de l'art graphique du XIIIe siècle au nombre des 120 volumes dont Robert est l'auteur, et parmi lesquels plusieurs nous sont heureusement parvenus, entre autres la chronique générale destinée à servir de complément à la chronique de Sigebert que nous avons citée tant de fois. M. L. Delisle estime que Robert en donna 3 éditions de son vivant. Après sa mort, les éditions s'en multiplièrent à l'infini, en France et à l'étranger. Nous avons de lui en outre, premièrement, le traité sur les ordres monastiques et les abbayes normandes. Deuxièmement, les catalogues des archevêques, des évêques et des abbés de diverses églises de France et d'Angleterre. Troisièmement, les annales du Mont Saint-Michel. Quatrièmement, la rubrique abrégée des abbés du Mont-Saint-Michel. Il y a dans cette chronique des renseignements précis que l'on ne pourrait trouver ailleurs. Cinquièmement, enfin, des préfaces et un précieux recueil des documents qui devaient faciliter ses travaux. Outre son œuvre propre, dont une si faible portion nous est restée, il favorisa très puissamment les études d'autrui, et sous son autorité, le Mont-Saint-Michel devint un centre littéraire. La belle prose de Saint-Michel semble être de son temps, ainsi que les poèmes latins sur les anges et sur les deux monts dont parle D. Montfaucon, et le roman du Mont-Saint-Michel du moine trouvère Guillaume de Saint-Père appartint certainement à son règne. Ce poème si charmant, et qui est une des œuvres du siècle, n'a été mentionné ni par Don Juan ni par Don Thomas Leroy. Nous citons le fait comme étant inexplicable. Il paraît certain que la plupart des manuscrits du XIIe siècle, au nombre de 67, ayant appartenu au Mont et déposés à la bibliothèque d'Avranches, furent réunis par les soins de Robert de Thorigny, car plusieurs de ses vénérables ouvrages portent à la fin la note suivante « Ce livre est de la bibliothèque de Saint-Michel au péril de la mer que Don Robert Abbé fit faire ». Il nous reste à caractériser brièvement l'œuvre architecturale de ce très éminent supérieur. La ruine s'est attaquée à ses constructions comme à ses livres, et la plupart ont violemment disparu. On doit dire d'abord que, selon l'apparence, il fut porté à ses travaux non point tout à fait par le souvenir de la grande conception d'Hildebert II, que Jourdain reprit un peu plus tard, mais par les besoins du moment qu'il fallait satisfaire. les bâtiments construits par les précédents abbés étaient devenus notoirement insuffisants. Robert semble avoir songé surtout à les agrandir. Dont le roi dit qu'en l'année 1163 furent construits les bâtiments qui sont dessus et dessous la chapelle Saint-Étienne qui est joignant la chapelle de Notre-Dame sous terre. Ces bâtiments, dont la destination n'est point spécifiée, étaient séparés complètement de la partie cloîtrée et par conséquent semblent avoir été affectés à une hôtellerie. Tout au près, en 1164, Robert édifia une infirmerie. Je dois dire qu'il y a précisément procès entre les écrivains modernes sur la question de savoir lequel de ces deux derniers bâtiments était l'infirmerie, lequel l'hôtellerie. Dont le roi prête encore à Robert une construction au nord, entre le chapitre commencé et le vieil dortoir. Il n'en reste plus que des murs. Ce qui a bien survécu de l'œuvre de cette prélature, c'est l'énorme enveloppe partant à l'ouest du pied du rocher et montant jusqu'à la plateforme de la basilique. On désigne généralement cet ensemble de constructions sous le nom de plomb du four. Dans la pensée vraiment grande de Robert de Torigny, ce n'était qu'un piédestal destiné à soutenir la gloire nouvelle de la basilique. Deux tours, dressant à l'occident du mont leurs flèches hardies, reliées en avant par un porche et qui complétaient avec une admirable élégance l'harmonie monumentale de l'aspect. C'était là une belle œuvre, mais, nous l'avons dit en commençant, elle n'était point destinée à vivre. Les mesures de l'architecte avaient été mal prises au point de vue de la solidité. Après quelques années seulement, une des tours croula. C'était celle précisément qui renfermait la bibliothèque du savant abbé, de sorte que la ruine de son œuvre architecturale entraîna, selon les probabilités, la perte de ses travaux de lettré qui nous manquent. Pour soutenir la seconde flèche qui avait résisté jusque-là, il fallut, en 1618, dresser un massif contrefort qui n'en put retarder la chute au-delà d'un siècle. Les infirmeries ont croulé en 1817. Il est impossible de ne pas rappeler le titre et le nom de l'architecte Hildebert en admirant la robuste santé de son œuvre qui vit périr ainsi ses cadettes et resta debout. Nous ne dirons qu'un mot de la puissance de l'abbaye comme fief. Quand Robert se rendit en 1172 à Caen, où le roi-duc tenait ses assises, on fit le compte des hommes d'armes de Saint-Michel, qui étaient vraiment la fleur de la noblesse des diocèses d'Avranches et de Coutances. Nous donnons en note la liste de ceux qui lui rendirent hommage au jour de sa prise de possession, et nous ajoutons que l'abbé de Saint-Michel devait 7 chevaliers armés avec leur suite pour le service du duc. Lui-même ne sortait de l'enceinte du monastère qu'accompagné de ses libres vavasseurs, cum scuto et lancea, tandis que d'autres avaient la garde des murailles et recevaient même leurs habits des religieux. La sépulture de Robert de Torigny a été retrouvée en 1875 par M. E. Courroyer, au moment où il dirigeait les travaux de la grande terrasse qui portait autrefois les deux tours et le porche à l'ouest de la basilique. Le corps, revêtu de l'habit bénédictin, reposait dans un cercueil de pierre de Saint-Denis. Au côté droit était la crosse à la hampe de bois, à la volute en plomb. Sur le crâne avait été placé un disque orné d'une croix au centre de laquelle se trouve une main bénissante accostée de l'alpha et de l'oméga. Alentour, on lit la légende suivante « Hic requiescuit Robertus de Torigneo Abbas ius logi ». Au revers, la légende continue « Qui ». Prefuit hic monasterio 32 Anis vixit vero 80 Anis.